après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler de football. C'est la deuxième semaine d'activité dans la Ligue nationale de football cette semaine. On en parle avec du site internet leblitznfl.com. Tony Guzzo. Salut Tony. Salut Danny. Tony, retour sur la première semaine. Qu'est-ce qui t'a marqué? Ben moi, je vais résumer avec les 7 nouveaux coachs qu'on a dans la NFL. Là. Fait que pour les gens qui ne le savent pas, il y a 7 nouveaux entraîneurs dans la NFL, entre autres les Bears avec Matt Nagy, les Giants avec Shermer, Oakland avec l'homme de 100 millions, John Gruden, Tennessee, Mike Vrabel, Détroit, Matt Patricia, Arizona, Steve Wilkes et les Colts d'Indianapolis, Frank Reich. Okay. Les 7 ont perdu. Les 7 ont perdu dans semaine 1. Ouais. Je vais être honnête avec toi, je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont être capables de gagner la semaine 2. Les seuls deux gars que je vois, c'est peut-être Shermer des Giants et peut-être les Bears, Nagy contre Seattle lundi soir. Mais j'ai trouvé que, j'en avais parlé la semaine passée, c'est que la première semaine, puis en plus avec des nouveaux coachs, il y a beaucoup d'adaptation et de transition. Donc, c'est très difficile, puis je veux nommer entre autres Matt Patricia de Détroit qui s'est fait démolir lundi soir contre les Jets. Là. Sam Darnold avait l'air de John Elway, avait l'air de Brett Favre, hein? Un jeune de 21 ans. Tout à fait. Ben, Darnold s'est fait niaiser parce que son premier lancé, ça a été une interception pour un toucher. Okay. Mais après ça, il avait l'air d'un joueur d'un corps arrière depuis 14 ans, mais pauvre Matt Patricia puis les Lions. Puis Patricia, c'est l'ancien entraîneur défensif des Patriots. Donc, on dirait que les élèves, les enfants... Ils sont tous plantés. Oui, c'est ça. Tu sais, Romeo Crennel, Charlie Weiss, nomme-les tous, ils se sont tous plantés. Puis tout à fait, puis on a entendu dire que ça va pas très bien avec Patricia et les joueurs. Ça a l'air qu'il y a une attitude un peu old school, un peu militaire, comme quoi qu'il félicite jamais ses joueurs. C'est toujours tu fais mal ça. Ouais. Donc je pense qu'il comprend pas qu'en 2018, avec des jeunes joueurs, puis surtout des joueurs qui gagnent des millions, là, c'est toi qu'il faut qu'ils s'adaptent, c'est pas eux qui vont s'adapter à toi. Là. Effectivement. Donc, ça va être à surveiller. Moi, je veux te parler d'Andrew Luck. 39 à 53, 319 verges, 2 passes de toucher. Pour un retour, c'est quand même très bon. Hein? C'est très bon, puis c'est un peu ça qu'on s'attendait. Le seul problème, c'est que les Colts n'ont pas fait grand mouvement, grande acquisition pour l'aider. Mais ça va être un work in progress, comme on dit. Puis, non, il y a un bon bras, c'est un bon corps arrière, Andrew Luck. Il faut juste le bien entourer. Puis là, de plus en plus, on dit que les défensifs font gagner des championnats. Mais on parle beaucoup aussi, il faut que le corps arrière ait une ligne offensive devant lui. Regarde le meilleur exemple, c'est les Cowboys. Là. Il n'y a plus de ligne offensive depuis 2 ans. Puis Zeke Elliott puis Dak Prescott ne font pas grand-chose. Mais pour revenir à Luck, à ton affaire, très bon. Il croit, c'est un passionné, c'est un joueur, c'est un élève du sport, là, du football. Donc, je suis pas inquiet pour Andrew Luck, mais il faut qu'il soit bien entouré. Le Von Bell est en grève et les Steelers ont déballé James Conner la semaine passée. 3 points de verge par portée, ce qui est quand même très acceptable. Est-ce que tu penses que ça va retarder les négociations avec le Von Bell? Moi, je pense que oui. Okay. Puis les gens qui le lundi matin, je fais des faits saillants là. Puis j'ai mentionné que Le'Veon Bell c'était le perdant de la semaine parce que en plus il n'a pas empoché 855 000 $ qu'il n'a pas signé son contrat. Puis James Conner, les Steelers font bien confiance à lui. Il a très bien joué. Il a perdu un échappé, il a perdu un ballon en fin de match important. Mais c'est quand même une très bonne performance. Puis, puis pour les spectateurs, Bell n'est pas là pour le deuxième match cette semaine contre les Chiefs. Fait que, si James Conner connaît du succès, ben, moi, je pense que Bell, là, de plus en plus, ses jours sont comptés, là, si ça continue. OK. Parle-moi de John Gruden. C'était, Chucky, c'était ses débuts. On a vu que Khalil Mack manque beaucoup aux Raiders pour la pression sur la carrière. Hein? Il n'y avait aucune pression lundi, Danny, sur Jared Goff. Mais on a vu quand même des belles choses. Il croit tellement à son corps arrière, Derek Carr, fait que ça va être une question de temps, mais on manque Khalil Mack. Là, donc, on peut donner John Gruden. À cause de tout ça, on lui donne, là, la communauté donne à peu près une performance de ses moins, là, comme coach. C'est quand même un des meilleurs dans la gang de 7 qu'on a dit. Là, puis l'autre problème, c'est que Derek Carr n'a pas bien trouvé ses cibles comme il faut. Là, mais il faut qu'il joue 60 minutes. Oui, c'est clair. J'écoutais Didier Omejus dans le podcast d'RDS qu'ils font toutes les semaines là, sur le site d'RDS, mais il disait que lui, c'est pas un grand adepte de John Gruden. Il dit que quand il est arrivé à Oakland dans le temps, il avait une très bonne équipe. Il est arrivé à Tampa Bay, c'est un gars qui est vu comme l'offensive alors que c'est la défensive qui l'a fait gagner. Et avec Khalil Mack également, il n'a pas été capable de s'entendre avec Khalil Mack. Pas trop impressionné par John Gruden. Tu es d'accord avec ça? Ben, c'est un gros mot pour commencer. Là. C'est seulement la première semaine. Ça fait quand même 10 ans qu'il n'a pas coaché. Mais le gars, il faut y donner... C'est parce que l'affaire, c'est qu'est-ce qui va arriver? C'est que lui, avec les analyses qu'il a faites, les analyses qu'il faisait à ESPN, là, il a toujours été près des gens, des équipes. Il connaît les schémas. Il va peut-être connaître les plans de match, mais il faut que son équipe devant lui exécute. Fait que je suis pas sûr qu'il y a encore tous les éléments nécessaires pour gagner souvent, mais il faut y donner. Tu sais, je veux pas dire c'est un mauvais entraîneur, mais sa grosse gaffe, là, on va le dire, c'est d'avoir laissé partir Khalil Mack. OK. On va y aller avec les matchs de la semaine maintenant. Donc, les matchs de la semaine, il y a plusieurs bons. À commencer par, j'ai de la misère à dire, il y a tellement des bons, le meilleur. Écoute, il faut y aller avec les Pats contre les Jaguars parce que c'est la reprise de la finale de la conférence américaine l'an passé. Tout à fait. Et là, Leonard Fournette est un cas douteux, semble-t-il. Oui, puis je pense non seulement il est plus douteux, il y a des bonnes chances qu'il ne joue pas. Donc, ça donne pas mal, ça. Oui, c'est ça. Fait que ça donne quand même, s'il est doubtful, comme on dit, là, ça va sortir aujourd'hui en fin de journée. Là, mais oui, ça n'est un match. Puis en plus, qu'est-ce qu'il faut faire attention dans ce match-là? Oui, c'est une reprise du championnat, mais on joue à Jacksonville, donc on est proche de l'ouragan Florence. Donc, la température, il risque d'avoir beaucoup de pluie, fait que Tom Brady risque de pas trop... il va faire ses belles petites courtes passes, là, il va beaucoup utiliser Gronkowski. Jacksonville, une excellente défense, mais là, c'est parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que si Fournette n'est pas là, Blake Bortles, va falloir qu'il lance le ballon souvent. Puis je veux pas... Blake Bortles, c'est Blake Bortles. C'est ça, puis je sais que c'est ton équipe, les Pats, là, mais si Bortles veut réussir, il doit attaquer la tertiaire des Pats, qui est un peu... il y a un peu de lacune là-dessus, mais c'est trop risqué pour Bortles. Fait que les Patriots, s'ils jouent leur match, ils vont focusser sur la course, surtout s'il fait pas beau, puis le terrain, il est pas trop hot, là. Il risque d'avoir de la pluie puis du vent, donc il faut faire attention à ça, mais je dois donner l'avantage aux Pats en fin de semaine. OK. L'autre match, évidemment, c'est une rivalité, Minnesota contre Green Bay. Le défensif des Vikings qui a vraiment arrêté Jimmy G la semaine passée. Par contre, ils vont affronter Aaron Rodgers, mais Aaron Rodgers est revenu sur une jambe la semaine passée. Tout à fait. Ben, il a fait un miracle sur une jambe. Le problème, c'est que jusqu'à quelques minutes encore, il n'a pas pratiqué de la semaine à cause de cette blessure-là. Mais le coach McCarthy il a dit, ça ne veut pas dire s'il n'a pas pratiqué qu'il va jouer. Donc, ça se peut qu'il joue, on lui donne un break, mais il ne peut pas faire, va falloir qu'il prenne des bonnes pilules, notre Aaron Rodgers, là, contre la défensive des Vikings. Les Vikings, je trouve que entre les deux équipes, c'est l'équipe la plus complète, autant à l'attaque qu'à la défensive. Pour en fin de semaine, je donne un avantage aux Vikings en fin de semaine. OK, donc c'est un bon match. Laurent Duvernay-Tardif est à Pittsburgh. Ça va être les Steelers qui menaient 21-7 qui se sont fait remonter et annuler contre les pauvres Browns de Cleveland. Oui, puis ben, c'est la belle histoire de la semaine pour les Chiefs parce que les Chiefs, ils font tellement confiance au jeune Carl Patrick Mahomes. Puis il a démontré de l'excellent travail. Il lance bien le ballon, bouge bien. On dirait que ça fait des années qu'il est sur le terrain. Fait qu'il y a une belle chimie avec ses coéquipiers. Les Steelers, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Ben Roethlisberger, il a pratiqué seulement ce matin. Il a été absent les deux derniers jours. Il a une blessure au coude. Donc, avec une blessure au coude, Le'Veon Bell qui n'est pas là, ça va être un bon match entre les deux, c'est sûr. Ça va être serré, ça va être jusqu'à la fin, ça va être un botté de placement qui va peut-être décider, mais là j'ai un blanc de mémoire, ils sont à Pittsburgh, je pense. Oui, ils sont à Pittsburgh contre les Steelers. Ouais, ils sont à Pittsburgh, ben là, c'est ça va être serré, parce qu'avoir été à Kansas City, ça aurait été une autre histoire, là, mais Andy Reid avec Patrick Mahomes, il est encore très bien. On a une belle attaque à Kansas City okay. pour avoir un bon match. Fait que ça va être très intéressant. Donc, c'est pas mal les trois matchs. Y a-t-il d'autres matchs qui t'intéressent? Moi, c'est les trois matchs que j'avais marqués. Il y a Caroline-Atlanta aussi qui est très, très bon aussi. Ouais, ben il y a 8 matchs de division gagnés en fin de semaine. Fait que tous les matchs de division vont être très importants. Moi, j'avais ajouté, malgré qu'ils ont une défaite chaque, là, j'ai pensé aux Giants et les Cowboys dimanche soir. Ouais, c'est toujours un classique sur du Sunday Night Football. C'est ça, c'est un classique. On va voir. Dallas me déçoit énormément. Je me demande, après 2 semaines, je suis prêt à dire que Jason Garrett va être le premier coach à être... congédié, là. Mais il y a de l'air d'être dans la poche de Jerry Jones, pas mal. Fait que, Ouais, mais Danny, à un moment donné, Jerry, il aime pas ça, perdre, puis la façon de perdre. Fait que, à un moment donné, il est pas capable, parce que Jason Garrett, là, en réalité, entre moi et toi, c'est un cheerleader. Mm. Il a rien démontré. Là, 2 ans, il y avait l'excellente ligne offensive. Mais là, il y a pas de ligne offensive. Des Bryant n'est pas là. Dak Prescott, je ne sais pas à qui il va lancer. Il a lancé pour moins de 200 verges la semaine passée. Mm-hmm. Puis, sauf que là, j'ai hâte de voir les Giants. Barkley, il est très bon avec Odell Beckham. Le problème la semaine passée avec les Giants a été Eli Manning. Fait mm-hmm. que, ça va être un bon dimanche soir. Puis, tu as tout à fait raison. Car les Panthers contre les Falcons... va être aussi un bon match. Ça va être excellent match. Ça risque d'être un match qui soit déterminant dans la division sud de la conférence nationale. Exactement, Dan. Effectivement. Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, c'est pour cette semaine. On vient dans la semaine prochaine, Tony? Oui, on avait la semaine prochaine. Puis, dernière nouveauté pour les gens qui ne savent pas, Josh Allen va être le coach. Oui, oui, oui, avec les Bills de Buffalo. Josh Allen qui lance des bombes. Et là, c'est pas vraiment surprenant là, avec ce qui s'est passé avec les Bills. Tyrod Taylor n'est plus là. On a changé Jim McCarron au cours du camp d'entraînement. Donc, c'est pas surprenant de voir Josh Allen est là. Et les Bills, ben, dans le fond, beaucoup de choses. On ne s'attend pas à faire des séries encore cette année. Fait que, il y a les Carrons. Ben c'est ça, ils ont toutes les équipes, tu sais, ils ont mis tellement d'énergie pour la semaine 1, là, pour la gagner. La semaine 2, il y a beaucoup de pression pour les équipes qui ont une défaite, là, donc ça risque déjà de dessiner un peu le futur là, pour les autres équipes, pour les divisions. Donc, on s'en reparle bientôt? Oui, je vous invite déjà à aller sur le site la blitznfl.com, très, très, très bon site de la NFL, de la NCAA également, donc je vous invite à y aller. Tony, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, puis bon football. Oui.